France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, héros et lecture d'enfance. Nuit spéciale, héros et lecture d'enfance, deuxième nuit. Alors pour mémoire, et la mémoire a son mot à dire dans le plaisir que l'on peut prendre à l'évocation, à l'illustration de ce thème, héros et lecture d'enfance, nous avons la semaine dernière passé la nuit en compagnie de Nicolas Pimpronel, Thierry Lafronde, Rintintin et tant d'autres. C'était à propos de l'exposition au Musée de la Poupée à Paris, une exposition consacrée aux héros de l'ORTF. Nous avons passé la même nuit en compagnie de Podane, de Bob Moran, de Mowgli, du Bon Petit Diable et des Pieds Nickelés, sans oublier même l'évocation du petit Nicolas et de ses multiples aventures. Alors cette première nuit, vous pouvez la réécouter comme toutes les nuits sur le site France Culture. .fr, l'écouter en ligne ou la télécharger durant un an. Et la nuit qui vient nous verra fréquenter également du Perrault, côté de Perrault, Chaboté, La Belle au Bois Dormant, et puis nous évoquerons les héros de l'enfance d'une autre émission, une émission de René Caïm Bollinger, c'était en 1988. Nous recevrons Philippe Graton qui viendra nous parler de la reprise des exploits de Michel Vaillant chez Dupuis. Vient de paraître le quatrième tome des nouvelles aventures donc de Michel Vaillant. Et puis il y a aussi dans une très belle édition de l'un des plus célèbres albums de Jean Graton, le Pilote sans visage, sans compter donc les intégrales. Suivront cette nuit Fifi Brin d'Acier, Bécassine et puis Alix, le Gaulois. Alix raconté par son créateur Jacques Martin au micro d'Olivier Germain-Thomas. C'était en 1998. J'allais oublier Achille Talon, héros parmi les héros créé par Greg et que Fab Caro fait renaître chez Dargaud. Son deuxième opus, Achille Talon, a su rester simple et il viendra nous parler de cette reprise. Dominique Petitfaux, bonsoir. Bonsoir Philippe Garbi. Alors le grand spécialiste de la bande dessinée que vous êtes n'aura pas manqué de noter dans cette longue liste, celle de la semaine dernière et puis celle d'aujourd'hui, des personnages de son rayon, si j'ose dire, des héros de papier dont les créateurs sont morts ou ont passé la main. Vous, Dominique Petitfaux, vous avez signé chez Casterman De l'autre côté de Cortot, c'est un essai et des entretiens avec Hugo Pratt. Vous avez dû être l'un des premiers lecteurs, j'imagine, du nouveau Corto Maltese, Sous le soleil de minuit, qui est par Juan Diaz Canales et Rubens Pelerriero, excusez mon accent épouvantable, c'est sorti à l'automne dernier. Vous êtes le grand spécialiste de la bande dessinée, c'est vous qui signez les articles dans l'encyclopédia Universalis. Depuis combien de temps vous êtes un passionné comme ça, Dominique Petitfaux, de bande dessinée, de ces héros que vous avez peut-être connus petits, mais que vous découvrez un peu plus grands? Oui, j'ai appris à lire dans la bande dessinée. J'ai appris à lire à 5 ans dans Patapouf, détective de Gervais, qui paraissait dans l'hebdomadaire catholique, le Pèlerin. Et depuis, donc, j'ai fait des recherches. Déjà, j'avais 6-7 ans, je cherchais à faire des listes, des épisodes, des différents héros de bande dessinée. Et donc, je n'ai pas arrêté. Patapouf, alors, c'est amusant parce que vous y êtes revenu un peu plus tard, on en parlera tout à l'heure, mais aux éditions du Triomphe, c'est ça. Qui s'amusent à ressortir des héros des années, oui. Des décennies très anciennes. Oui, je réédite les épisodes qui sont à mon avis les meilleurs, c'est-à-dire la période 1946-1956, parce que c'est une bande dessinée qui a été très très longue. Elle a commencé en 1938, créée par Gervis, et elle s'est arrêtée seulement en 1990. Donc pendant 52 ans, toutes les semaines, cette bande dessinée a paru. Alors ça, c'est une série pour collectionneurs, nous dit-on, mais on peut pas imaginer des petits-enfants d'aujourd'hui qui découvrent Patapouf. Il faut vraiment avoir lu Patapouf il y a 40 ans ou plus. C'est un monde quand même étrange pour les enfants. C'est un monde sans écran, sans mobile, sans ordinateur. Donc ça doit leur paraître effectivement... on pourrait dire qu'à un certain moment, ça redevient de la science-fiction. C'est une civilisation étrange qu'ils redécouvrent. Alors eux, ils redécouvrent ce monde qui a disparu, ce monde dont les plus grands se souviennent. Et finalement, cette explosion de reprise, de poursuite, de prolongation de héros, ça veut dire quoi pour vous, Dominique Petitfaux? C'est très curieux. C'est-à-dire qu'effectivement, les plus grosses ventes actuelles dans la bande dessinée en France, ce sont des albums qui s'intègrent dans des séries parfois tellement anciennes que les créateurs sont morts depuis plusieurs dizaines d'années. On peut penser à Lucky Luke, par exemple. On peut penser à, bien sûr, Astérix, qui a vendu 600 000 exemplaires la première semaine. Je parle du dernier album. Donc, effectivement, on peut se poser des questions sur cette vogue. Alors, il y a deux, si vous voulez, grandes explications possibles. Il y a d'une part une sorte de régression infantile qui fait qu'on n'arrive pas à s'arracher à son enfance, ou plutôt peut-être qu'avec l'âge, le monde devient moins facilement déchiffrable et le monde devient un peu étranger, si vous voulez, quand on prend de l'âge. Et lire une bande dessinée qu'on a connue, qu'on a découvert dans son enfance, c'est finalement un des rares points fixes dans une vie. Certains personnages de bande dessinée, finalement, sont les compagnons de toute une vie. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qui est un début d'explication. Une deuxième explication possible, c'est que la bande dessinée crée des mythes. De même qu'il y a eu des mythes dans la littérature avec Don Juan, par exemple. Il y a Tirso de Molina, puis il y a Molière, il y a Mozart, etc. On peut penser qu'à notre époque, la bande dessinée est créatrice de mythes. Et finalement, c'est ce que Hugo Pratt voulait faire. Le rêve secret de Hugo Pratt, c'était de créer un des mythes de la littérature dessinée. Et c'est finalement ce qu'il essayait de faire avec Corto Maltese. Alors, cette affaire de mythe, c'est quand même très, très intéressant. C'est extrêmement net, par exemple, aux États-Unis, où les super-héros sont vraiment des mythes. Quand on pense à Superman, Superman n'est pas sans rapport avec certains dieux ou demi-dieux de la mythologie grecque. Et donc, on peut penser que notre époque a besoin de se créer des mythes qui traversent le temps et que la bande dessinée peut être un bon moyen d'en créer de nouveaux. Alors, vous avez cité Hugo Pratt, évidemment, Corto Maltese, le Corto Maltese qui est sorti il y a quelques semaines, là, Sous le soleil de minuit, chez Casterman. Et Hugo Pratt n'y est pour rien. Mais il y est pour beaucoup dans la mesure où il n'a pas interdit que l'on poursuive son œuvre, qu'on la reprenne. Et en tout cas, ça s'est fait presque 20 ans après sa mort. C'est-à-dire, comme il avait dit, en fait, c'est à moi qu'il avait dit ça, qu'il n'était pas contre le fait que l'on reprenne Corto après lui, ce qui est logique, puisqu'il espérait que Corto devienne un mythe. Donc, il fallait que son personnage soit traité, soit abordé par différents artistes. Donc, effectivement, il était d'accord. Alors, il y a cette nouvelle aventure. Bon, on comprend qu'il y a eu quand même un intervalle de 20 ans. D'une part, je crois qu'il y avait un genre de délai de deuil, en quelque sorte, puisque Pratt est mort en 95. Puis ensuite, il faut reconnaître que reprendre Corto Maltese, c'est particulièrement difficile. Parce que dans Corto, Pratt avait mis une grande partie de sa vie. En fait, Corto Maltese, c'est la synthèse de deux expériences que Pratt avait menées très loin. C'est-à-dire, d'une part, la lecture. Pratt avait chez lui 20 000 livres. Et d'autre part, c'est l'expérience de la vie. Et parfois, dans des dissertations, dans ma jeunesse, on opposait la connaissance qu'apporte la vie et la connaissance livresque. Mais pour Pratt, en fait, ça n'était pas des oppositions. Et Pratt, en fait, dans Corto Maltese, nous présente tout cela comme une synthèse. Alors, on comprend que dans ces conditions, c'est extrêmement difficile de continuer la série. Et vous, on ne vous a pas demandé, Casterman ne vous a pas dit, mais écoutez, Dominique Petitfaux, vous êtes la personne idéale. Vous avez fréquenté Hugo Pratt, vous avez été son ami, vous avez fait... De l'autre côté de Corto, donc chez Casterman, les entretiens avec Petitfaux sur plusieurs années. Vous avez écrit aussi un livre sur Hugo Pratt, non plus sur Corto Maltese. Quand même, c'est... Oui, le désir d'être inutile. Chez Robert Laffont, oui. Mais c'est-à-dire, je ne suis pas scénariste, je suis plutôt historien et analyste. Et je serais incapable, en fait, d'inventer de nouvelles aventures à Corto, vous voyez, c'est quelque chose dont je ne me sens absolument pas capable. Mais évidemment, j'ai découvert ce nouvel album, comment vous dire, avec à la fois plaisir et crainte, parce que je me demandais bien ce que Corto allait devenir. J'ai été rassuré, parce que c'est un album qui est sérieux, c'est un album qui est très respectueux, c'est un album qui n'est pas surtout contradictoire avec le Corto de Pratt. Alors évidemment, ce n'est pas du Pratt, mais c'est un peu vain d'espérer retrouver du Pratt, parce que Corto et Pratt étaient tellement proches l'un de l'autre qu'il est normal qu'il y ait une évolution, que certaines choses soient très prattiennes dans ce nouvel album, d'autres ne le soient pas, qu'il y ait certains manques parfois par rapport à Pratt, mais tout cela est absolument normal. Il faut bien voir que la reprise d'une série, c'est quelque chose de très délicat. C'est toujours très délicat parce qu'il faut quand même être relativement proche du modèle d'origine pour ne pas décevoir les anciens lecteurs. Mais comme les sensibilités évoluent, il faut aussi pouvoir toucher des nouveaux, des plus jeunes lecteurs. Or, les plus jeunes lecteurs, ils ont besoin aussi que l'on les prenne en compte, parce que si on ne les prend pas en compte, la série, un jour, forcément, s'arrête. Donc, la voie est très, très étroite. Et je trouve que cet album est quand même, sur ce plan, réussi. Alors, pour répondre peut-être à une question, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que c'est pas du Pratt? Je dirais qu'à mon sens, c'est que c'est un album où tout est dit. Il n'y a pas de non-dit. Dans Pratt, il y a une certaine partie, si vous voulez, qui reste toujours mystérieuse. Et c'est un peu au lecteur d'apporter sa propre interprétation. Et en faisant cela, Pratt, évidemment, joue avec son lecteur d'une certaine façon. Ici, quand on a refermé l'album, on est content, on a tout compris, mais il est certain que avec Pratt, on avait parfois un certain manque qui était voulu par Pratt, puisque diverses interprétations étaient possibles. Alors, oui, diverses interprétations, mais on a quand même, sous le soleil de minuit, moi je trouve une lecture très, très agréable, et puis qui donne envie de relire tous les autres albums de Pratt, ce qui est quand même important. C'est très habile, parce que l'histoire se passe dans le Yukon. Oui, c'est pas une suite. Hein, voilà, c'est ça. On n'est pas, chronologiquement, on n'est pas après tel album, on ne sait où. Enfin, vous le savez. C'est un épisode qui se passe dans le Yukon, en 1915. On est sur les traces de Jack London. Et là, en fait, il y a trois habiletés. D'abord, il y a le lieu, le Yukon, puisque Pratt n'avait jamais envoyé Corto Maltese dans le Grand Nord, alors que Pratt était passionné par les romans de Jack London et de James Oliver Curwood. Donc, l'endroit est particulièrement bien choisi. La date ensuite de 1915 est bonne, parce que la première histoire de Corto Maltese, la balade de la mer salée, s'arrête justement au début de 1915. Et donc, cet album, en quelque sorte, prend la suite, et cet épisode peut s'insérer dans la saga à un moment où Pratt n'est pas encore trop personnel, où il est encore relativement dans la grande aventure, alors qu'il aurait été très difficile de donner un prolongement, si vous voulez, aux derniers épisodes de Pratt, qui sont vraiment trop particuliers, où Pratt est surtout dans l'onirisme, dans l'ésotérisme et dans l'ironie. Alors que là, ça s'insère très bien après la balade de la mer salée. Après la balade de la mer salée, on a cette histoire qui est finalement une sorte de balade de la neige glacée. Mmh. Dernière chose peut-être, c'est les traces de Jack London. Puisque, d'une part, c'est très habile d'introduire un romancier, puisque vous savez que Corto Maltese est une bande dessinée très littéraire. Dans la mesure où non seulement elle fait allusion à la littérature, mais qu'il y a certains écrivains parfois qui s'y insinuent. Et Jack London, bien sûr, est très important dans la saga de Corto Maltese, puisqu'il y a eu un épisode qui s'appelait « La jeunesse de Corto », où Corto et Jack London se rencontraient pour la première fois lors de la guerre entre les Russes et les Japonais en 1904. Oui, il a rencontré Conrad aussi, Monfred, Jack London. Enfin, oui, ce sont vraiment les lectures préférées de Pratt, ça, ce qui montre aussi que c'est difficile de. Enfin, que c'était difficile de poursuivre Pratt, parce que Pratt dans Corto Maltese, il nous donne une idée de ses lectures. Et souvent, on demandait à Pratt, est-ce que vous êtes Corto? Et alors, Pratt disait, mais non, regardez-moi, vous voyez bien que je ne suis pas du tout Corto. Mais en fait, leur culture était quand même la même. Et les lectures de Corto, effectivement, ce sont les lectures de Pratt. Alors, est-ce que lire Corto Maltese, c'est une lecture d'enfant? Parce que alors, le titre de notre nuit, Dominique Petitfou, c'est « Héros et lecture d'enfance ». Mais en fait, c'est plutôt, si on était vraiment sérieux, on dirait, pour ce qui concerne Corto Maltese, lecture d'adolescence. Oui, c'est manifestement trop compliqué pour des enfants, parce que un des plaisirs quand on lit Pratt, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. En fait, ce qui est au cœur de Corto Maltese, c'est un enchevêtrement d'interprétations et de niveaux de lecture. Donc, c'est guère possible pour des enfants. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que Corto a été publié en France pour la première fois dans l'hebdomadaire PIF. Ben oui, mais c'était pour enfants. Voilà, ça, qui était un hebdomadaire pour enfants, mais en fait, ça ne marchait pas. En 73. Ça a marché pendant 3 ans, uniquement parce que les rédacteurs en chef de PIF aimaient beaucoup Pratt. Mais ça, ils n'ont pas osé le dire à Pratt lui-même. Mais quand il y avait un épisode de Corto dans PIF, le journal se vendait à 20 000 exemplaires de moins. Et oui, mais quand même, avoir lancé en France Corto-Maltese... Oui, c'est vrai que le Parti communiste français, je dis ça, je caricature, mais vous savez qu'il y avait des liens financiers entre PIF et le Parti communiste français. Donc le Parti communiste français, là, c'est ce que me disait Pratt, a quand même joué un rôle important dans le lancement de Corto-Maltese en France. Parce que le succès de Corto-Maltese en France est venu, si vous voulez, de façon très progressive au cours des années 70. En 73, François a publié La balade de la mer salée, et puis Pratt a commencé à être publié par Casterman à partir de 73, et le succès est venu progressivement. À la fin des années 70, Pratt était devenu un auteur considéré comme immense dans l'histoire de la bande dessinée. Mais Pratt, on l'a lu, vous l'avez dit, Dominique Petitfaux, dans François, dans Tintin aussi, et puis dans Pilote. Il y a eu dans Tintin des épisodes de Corto dans l'édition belge, et l'édition française a surtout publié une autre histoire qui s'appelait Les Scorpions du désert, qui est une autre série importante de Pratt. C'est une série qui se passe dans la Corne de l'Afrique en 1940-1941. Et c'est intéressant parce que justement, à cette époque, Pratt était lui-même adolescent en Afrique, puisque son père était militaire. Son père était évidemment un militaire de l'armée de Mussolini. Et donc, il avait emmené sa famille dans la Corne de l'Afrique. Et le jeune Pratt a combattu dans l'armée de Mussolini. Il me disait parfois de façon un peu provocatrice, j'ai été le plus jeune soldat de l'armée de Mussolini, vous voyez. Alors évidemment, c'est évident que Pratt n'est pas resté longtemps dans cette idéologie. Très très vite, il a vu très très vite, il s'est situé, si vous voulez, en dehors des idéologies. Il a tout de suite vu le côté limitatif de toutes les personnes qui sont dans des idéologies, quelles qu'ils soient. Il a toujours cherché à être un homme libre et à penser de façon absolument libre. Pour moi, ça a été une des grandes leçons que j'ai reçues de Pratt, penser librement, en dehors des modes, en dehors des idéologies. Et pourquoi est-ce vous, et tant mieux, Dominique Petitfaux, qui avez été finalement non pas le confesseur, mais enfin voilà, la personne qui a pu recueillir sa parole? Écoutez, je l'ai rencontré tout à fait par hasard en 1985, dans une librairie qui existe encore d'ailleurs, qui est à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Jacques. C'était la librairie Dupuis à l'époque. Voilà, c'est ça. Et j'avais essayé d'établir une chronologie de la vie de Corto-Maltese. Parce que je m'étais rendu compte que dans tous les épisodes de Corto, il y a un arrière-plan historique avec certains détails qui nous permettent de dater très précisément chaque histoire. Par exemple, dans Tango, il parle d'un match de boxe entre Jack Dempsey et Louis Firpo. Donc, il suffit de consulter une histoire de la boxe et on voit que forcément, Tango se passe en 1924. Donc, j'avais réussi à établir, si vous voulez, une chronologie précise de la vie. Donc, quand j'ai vu Pratt dans cette librairie, je suis entré et je lui ai dit, bonjour, monsieur Pratt, est-ce que vous pouvez me confirmer que Corto est né le 10 juillet 1887? Et la date ne figurait dans aucune histoire. Alors, il a quand même eu l'air un peu surpris par ma question. Et il m'a répondu, est-ce que vous avez mangé? Alors, il était 14h, j'avais déjà déjeuné, mais heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de lui dire non. Il m'a dit, alors, écoutez, je vous emmène. On a traversé la rue, on est allé au restaurant chinois qui est en face. Et donc là, je lui expliquais comment j'essayais de reconstituer la vie de Corto-Maltese. Alors, j'étais arrivé à cette date de la façon suivante. Dans la jeunesse de Corto, on dit que Corto a 17 ans. Or, ça se passe pendant la guerre entre la Russie et le Japon. Donc, on est forcément en 1904-17, Corto est né en 1887. Quant à la date du 10 juillet, il l'avait donné une fois, non pas dans un album, mais dans une affiche sur les signes du zodiaque, où Corto disait qu'il était né le 10 juillet. Donc, j'ai rejoint les deux choses et je suis arrivé à cette date-là. Et c'est comme ça, finalement, que Pratt s'est dit, mais ce type est, je sais pas, Pratt a dû se dire, il est un peu fou. Mais c'est comme ça que nous sommes entrés donc en contact et il a fini par avoir une confiance extraordinaire en moi. Et finalement, le souvenir le plus émouvant que j'ai de Pratt, c'est cette confiance. C'est-à-dire, il m'est arrivé de transporter pour certains livres dans un vieux sac plastique qu'il me donnait 15 ou 20 aquarelles absolument superbes. Le genre d'aquarelles qu'ils ont actuellement dans les salles de vente entre 200 000 et 300 000 euros. Donc moi, je partais avec ça dans mon petit sac plastique chez Robert Laffont, on faisait la photogravure et je lui rapportais ça ensuite chez lui en Suisse. Il me disait, est-ce que tout est là? Je lui disais oui, il ne vérifiait rien. Donc si vous voulez, mon plus beau souvenir de Pratt, c'était cette confiance extraordinaire qu'il a fini par avoir en moi. Et ça, personne d'autre n'a pu l'avoir. L'aquarelle, l'immédiat, le spontané, il faut réussir tout de suite, dit-il. Mais c'était quelque chose de magique, parce que moi, je ne comprenais rien. Je lui posais des questions. Tout en me répondant, il prenait un tout petit peu de couleur, énormément d'eau. Et je ne comprenais absolument pas ce qu'il faisait. Il prenait une feuille, il la séchait un peu en la remuant à l'air et c'était absolument superbe. C'était un aquarelliste formidable, très très léger, très peu de teint, vraiment très très aqueux. Et d'ailleurs, plus il est allé dans sa carrière, moins il a pris de matière, si vous voulez. Et c'est valable aussi pour ses bandes dessinées. C'est-à-dire, il a toujours cherché finalement à épurer ce qu'il faisait. Il est parti d'un style noir et blanc imité de dessinateurs américains. Et puis, progressivement, il a constamment épuré son style. Et Milton Caniff, c'est caractéristique des artistes qui changent. Milton Caniff, c'est son modèle. Il est parti de cette bande dessinée américaine qui s'appelle Tavi and the Pirates. Il a lu ça dans son enfance. Il a été impressionné par la technique d'opposition du noir et du blanc qu'il y a dans cette bande dessinée. Impressionné également par les scénarios où il y avait des personnages féminins extrêmement complexes à la psychologie fouillée. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué, qui n'est d'ailleurs pas encore très courant dans la bande dessinée en France, c'est-à-dire que les femmes sont souvent des caricatures, mais alors que lui, on a vraiment des femmes et on croit en la véracité de ces personnages féminins. Si vous voulez, ça, c'est également une des caractéristiques de Pratt. La véracité de ces personnages féminins qui sont très complexes, des femmes qui peuvent être belles, qui peuvent être dangereuses, qui en tout cas sont très intelligentes. Et ça, c'était relativement nouveau, c'était même tout à fait nouveau quand il l'a fait, parce que pour toutes sortes de raisons, ça n'existait pas dans la bande dessinée en France. Et puis, toutes sortes de caractéristiques autres, l'importance de la littérature, les influences de grands écrivains dans tout ce qu'il a fait, toute cette culture qu'il a sous forme synthétisée dans son œuvre. Bref, c'est vraiment un monde, le monde de Pratt très particulier. Et si vous voulez, une des chances qu'ont les personnes qui ont repris Pratt récemment, c'est que Pratt, comme tout grand artiste, a évolué. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas un corto précis à imiter, puisque Pratt lui-même a tellement changé. On peut se dire pourquoi pas faire le Pratt comme on l'a eu ces derniers mois, puisque Pratt lui-même a beaucoup évolué. Et ça, c'est la caractéristique des grands artistes, et c'est ce qui distingue en bande dessinée les excellents artisans des grands artistes. C'est-à-dire, on posait toujours à Hergé une question un peu stupide qui était: est-ce que vous n'avez pas envie une fois de faire autre chose? Mais on se rendait pas compte que Hergé n'arrêtait pas de faire des histoires très différentes. Qu'y a-t-il de commun entre le Lotus Bleu, qui est une aventure exotique à arrière-plan historique, On a marché sur la Lune, qui est un récit d'anticipation, et Les Bijoux de la Castafiore, qui est une comédie de situation avec une réflexion sur les difficultés justement de la communication. Donc, si vous voulez, Hergé, l'air de rien, fait des histoires très différentes. Et Pratt, c'est la même chose. Il n'y a pas de point commun entre La Ballade de la Mère Salée, qui est un grand récit d'aventure maritime dans la lignée de Conrad ou de Melville, et sa dernière histoire, Mu, qui est purement dans l'ironie, dans l'ésotérisme, dans le référentiel. Et vous avez trouvé, vous, Dominique Petitfaux, au cours des années d'entretien que vous avez mené avec Hugo Pratt, vous avez trouvé ce personnage en évolution aussi? Parce que ça s'est passé sur combien d'années? C'est-à-dire, moi, je l'ai connu les 10 dernières années de sa vie, de 85 à 95. Est-ce que vous avez eu l'impression, parce que vous avez fait aussi le livre, donc Le Désir des Tri, oui, inutile chez Lafont, plus sur, oui, sur lui, oui, que, oui, c'est que ça, sur Corto Maltese? Oui, c'est un livre sur sa vie et sur son univers intérieur. Est-ce que vous l'avez surpris en train de... d'avoir une vision de lui-même, de sa biographie un peu variable selon les moments? Oh oui, bien sûr, c'est sûr que les dernières années, il est un peu de l'autre côté du miroir, si vous voulez. Il était souvent dans son monde très intérieur. Il s'intéressait quand même au monde réel, vous voyez, il écoutait les informations, etc. Mais il était quand même très très souvent dans son monde à lui. Et tout cela, évidemment, se traduit dans son œuvre. L'évolution de l'œuvre, elle s'explique par l'évolution de l'univers intérieur. Et finalement, l'évolution de Tintin ou de Cortot, elle nous renvoie à l'évolution de l'univers intérieur d'un artiste, à son vieillissement, et finalement à la réalité ultime de la condition humaine, qui est le passage du temps. Alors, tiens, le passage du temps, alors, puisque le temps, Marcel Proust, et il est né un 10 juillet aussi, Marcel Proust. Donc, comme Corto Maltese, je vous le signale. Je ne savais pas que Proust était né un 10 juillet. Ce que je peux vous dire d'amusant, c'est que le premier album de Bécassine, l'enfance de Bécassine, et le premier volume, La Recherche du Temps Perdu, sont sortis en librairie exactement en même temps, en novembre 1913. Patapouf, vous nous l'avez dit, Dominique Petitfaux, c'est ce héros que vous ressuscitez aux éditions du Triomphe. Il y a d'autres héros qui sont ressuscités dans cette même maison d'édition. C'est Sylvain et Sylvette. Alors, selon l'âge que l'on a, on peut avoir lu Sylvain et Sylvette dans les années 50, 60, 70, ça, oui, etc. Mais c'était les mêmes, les albums, format oui, italien, oui. En couleur. Et puis, c'est très intemporel, hein, c'est finalement. Très intemporel. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que Sylvain et Sylvette ne sont pas nés dans les années 50, mais, en 1942. En début. 41-42, oui. Au début de la guerre, dans un journal. Oui. Et que c'était inédit en album. Et on peut les avoir maintenant. Donc on peut découvrir que Sylvain et Sylvette, eh bien, avant d'être Sylvain et Sylvette et de se perdre dans la forêt, en allant chercher des champignons, et de ne plus rencontrer leur mère, ils ont d'autres aventures, ils sont dessinés un petit peu autrement, ils font plus naïfs. Le renard, le fameux compère, c'est pas le compère, c'est l'ennemi, c'est le méchant. Oui, il y a quatre compères. Voilà. Mais il n'y en a pas quatre tout de suite. Debout, pas les mêmes dessins. Ça, on connaît les suites, les reprises de héros, mais là, c'est différent, les aventures avant les aventures. C'est ça, c'est une série qui a commencé pendant la guerre, dans la fusion de Cœur Vaillant et de Âme Vaillante, en zone libre. Ça s'appelait donc Cœur Vaillant, Âme Vaillante. Puis ensuite, c'est paru longuement dans Fripounet et Marisette. Cuvillier étant l'auteur, était le premier auteur. Et ensuite, ça a été repris notamment par Jean-Louis Pêche, qui a fait de très nombreux albums. Et Patapouf, c'était aussi la même... C'était Gervi, ça a commencé en 1938, le rédacteur en chef... du Pèlerin voulait moderniser son hebdomadaire, qui était un journal, quand il est arrivé, extrêmement conservateur, extrêmement réactionnaire. Et donc, une des façons de le moderniser, c'était de l'ouvrir à la bande dessinée. Donc, Patapouf est arrivé en 1938, ça a eu un succès énorme. Et Gervi, l'auteur de départ, l'a dessiné jusqu'en 1973. Et ensuite, il y a eu trois successeurs. Et en 90, ça s'est arrêté pour la raison inverse qui avait fait que Patapouf avait débuté. C'est-à-dire que là, la bande dessinée paraissait ringarde. Donc, on a eu deux rédacteurs en chef. Un qui a fait venir Patapouf pour moderniser la revue. L'autre qui l'a supprimé également pour la moderniser. Parce que le concept d'un détective qui parcourt le monde avec un jeune garçon pour résoudre des énigmes paraissait, si vous voulez, à cette époque, un peu désuet. Donc, c'est amusant de voir comment ça avait changé. Mais ça montre bien également toutes les difficultés d'évolution que peut avoir une bande dessinée. Certains éditeurs ont résolu le problème en créant deux séries de bandes dessinées, une série classique, si vous voulez, on continue à avoir des épisodes comme on a toujours eu. Et par exemple, par exemple, Alix, il y a toujours des épisodes de Alix dans l'esprit de Jacques Martin. Et puis, il y a une série qui s'appelle Alix Senator, qui se passe 40 ans plus tard, puisque nous sommes cette fois-ci en moins 12, sous Auguste. Alix est devenu un monsieur de 60 ans, très important. Alors, effectivement, il a d'autres problèmes que quand il avait 20 ans. Et donc, c'est très, très bien fait. Enak a vieilli aussi. Voilà. Enak a vieilli. Ils ont des enfants, évidemment, qui posent des... Pas ensemble. Non, pas ensemble. Mais enfin, c'est vraiment très très bien fait. Pour Spirou aussi, il y a eu des très bonnes choses. Et bon, on continue à voir ce qu'on appelle la série mère. Et puis il y a une série qui s'appelle Spirou vu par. Et là, il y a également quelques grandes réussites, notamment le journal d'un ingénu par Émile Bravo, où on voit Spirou pendant la guerre. Donc on voit les nazis en Belgique, etc. C'est très subtil, c'est très bien fait. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités qui existent. Et vous aimez tout, vous, Dominique Petitfaux ? J'aime tout, au moins sur le plan historique. Sur le plan personnel, évidemment, non, je n'aime pas tout. Mais disons, tout est très intéressant pour un historien, si vous voulez. Parce qu'on voit comment les choses naissent, ont un développement et peuvent mourir un jour. Et c'est passionnant. Je crois que la bande dessinée a été un des grands moyens d'expression du XXe siècle. Bon, je ne sais pas ce qu'elle va devenir au XXIe, parce que l'image, si vous voulez, existe maintenant sous des tas de formes différentes. Quand j'étais enfant, les images, c'était surtout les bandes dessinées. Maintenant, les enfants ont accès à l'image avec des supports extrêmement différents. Mais la bande dessinée est un univers extrêmement riche, qui n'est pas, à mon avis, encore assez exploré par les chercheurs. Mais il y a quantité de choses à dire, notamment sur le plan sociologique. Il y aurait des recherches formidables à faire en étudiant certaines bandes dessinées. En tout cas, la bande dessinée est étudié par vous et de très près. Pour l'Encyclopédia Universaliste, comment ça se passe? Les fiches sont actualisées? Oui, c'est-à-dire, bon, ils ont maintenant une édition sur DVD, hein. Il n'y a plus la vieille édition en 30 volumes, mais il y a un DVD annuel. Alors, soit on me demande de mettre à jour une notice existante si l'auteur est encore en vie, ou alors on me demande de combler des vides, et donc il m'arrive de faire des notices sur des dessinateurs de bande dessinée qui sont morts il y a très longtemps, mais qui étaient absents. Et là aussi, c'est intéressant de voir comment une encyclopédie comme Universalis, qui est un peu l'image de la culture officielle, si vous voulez, intègre la bande dessinée. Donc la bande dessinée, de plus en plus maintenant, est reconnue comme un mode d'expression. Alors on en pense ce qu'on veut, bien sûr, du point de vue de la qualité, mais on peut pas, si vous voulez, nier l'importance qu'elle a eue. Alors dans la série des reprises ou des suites de personnages aussi, on peut signaler chez Casterman un nouveau Nestor Burma, Mick McMosh au Boulmiche. Alors c'est évidemment d'après Léo Mallet, et c'est aussi d'après l'univers graphique de Tardy, oui, puisque c'est lui qui est le premier à adapter les Nestor Burma. Là c'est encore une autre situation, c'est-à-dire qu'on a Léo Mallet, le romancier, oui, est mort, le dessinateur est vivant et tant mieux, mais il est sur d'autres projets, donc il passe la main, en l'occurrence, à Nicolas, oui, Barral, qui réussit un très bon Nestor Burma, qui se passe donc dans le 5e arrondissement. Oui, mais vous savez, c'est un phénomène très ancien. La première bande dessinée francophone qui a changé de dessinateur, en fait, c'est assez curieux. Pierre Macorlan, avant de devenir l'auteur qu'il est devenu, dans sa jeunesse, a fait des bandes dessinées. Et en 1911 et 1912, il a publié dans l'Almanach Nodo les histoires de deux garnements autour du monde qui s'appellent Fripp et Bob. Donc il a fait ça dans les éditions 1911 et 1912 de l'Almanach Nodo. Et pour les deux éditions suivantes de l'Almanach, ça a été un autre dessinateur, Solar d'Alba. Donc vous voyez, c'est une vieille méthode. Évidemment, les éditeurs, dès qu'une série a du succès, ils veulent que ça continue. Alors dans le cas de Nestor Burma, effectivement, c'est curieux. Je pense d'ailleurs que la survie de Léo Mallet est peut-être parce qu'il y a des bandes dessinées. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de synergies en fait qui peuvent se créer. Évidemment, le cinéma d'une certaine façon dope certains écrits de façon extraordinaire. Pensez à James Bond, par exemple. S'il n'y avait pas eu des films, je pense que les lecteurs de Ian Fleming seraient peu nombreux. Mais grâce à cette extraordinaire série de films, on lit toujours les romans de Ian Fleming. Et c'est curieux de voir comment, d'ailleurs, petit à petit, ces formes modernes des héros prennent le pas sur les anciennes. Et comment maintenant, vous dites James Bond à un jeune de 20 ans, c'est essentiellement des films. C'est Daniel Craig, si vous voulez. Les gens un peu plus anciens, évidemment, connaissent Sean Connery, et puis les gens très vieux comme moi se souviennent de l'époque où le président Kennedy vantait les romans de Ian Fleming. En tout cas, ce que vous avez fait de mieux dans votre vie, Dominique Petitfaux, c'est pas moi qui vais m'amuser ou m'avancer à le dire, c'est vous-même. En tout cas, vous considérez que la longue série d'entretiens avec Hugo Pratt sera probablement ce que j'aurais fait de plus utile, en tout cas, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais de plus utile, dites-vous, dans votre vie, grâce à eux, grâce à ces entretiens, des créateurs essentiels, l'un des créateurs essentiels du XXe siècle, donc Hugo Pratt, a pu s'expliquer en détail, permettant aux futurs critiques et chercheurs d'avoir un point de départ fiable, authentifié par l'auteur lui-même. Oui, c'est-à-dire, j'ai voulu, puisque j'avais la chance de rencontrer Pratt, j'ai voulu faire quelque chose qui soit utile. Si vous voulez, ça repose sur deux idées que j'ai. C'est que d'une part, dans l'avenir, les chercheurs qui s'intéresseront au XXe siècle devront forcément s'intéresser à la bande dessinée, parce que ça a été là de façon un peu souterraine dans la culture officielle, mais à mon avis, ça a été très très important. Après tout, c'était une des formes de culture novatrice du XXe siècle, la bande dessinée. Donc ça, c'est ma première idée. Et ensuite, quand les chercheurs s'intéresseront donc à la bande dessinée, ils chercheront évidemment à s'intéresser au plus grand nom de la bande dessinée. Et je pense que Hugo Pratt sera forcément l'un de ces noms. Donc en faisant ça, j'ai eu, comme pour paraphraser Pratt, j'ai eu le désir d'être utile. De l'autre côté de Corto, donc, c'est vos entretiens avec Hugo Pratt, Dominique Petitfaux, c'est publié chez Casterman. Et puis, à propos d'Hugo Pratt lui-même et moins de Corto Maltese, c'est le désir d'être inutile chez Robert Laffont. Eh bien, nous, on va commencer, poursuivre cette deuxième nuit spéciale héros et lecture d'enfance. On va quitter le 20e et le 21e siècle, on va aller plus loin dans le passé avec La Belle au bois, et puis on reviendra au XXe siècle avec Philippe Gratton qui viendra nous parler de Michel Vaillant, puis Fifi Brindacier et Bécassine seront au programme. On rencontrera le repreneur d'Achille Talon, et puis ensuite on entendra un entretien avec Jacques Martin, le créateur d'Alix et Guy Lefranc et d'autres personnages.